Il est temps de retrouver la chronique très attendue de l'indispensable François Morel. Bonjour François. Bonjour Ali. Je suis né sous Charles de Gaulle. Je suis entré au collège sous Georges Pompidou. J'ai passé mon bac A sous VGE. Je suis sorti de la fac sous François Mitterrand. Après, c'est plus compliqué de trouver des repères. Dès qu'on est de plein pied dans l'âge adulte, tout a tendance à se mélanger, à se confondre. Avec l'âge, il y a moins de premières fois. Cherchons quand même, tentons d'affiner. J'ai eu mon premier vélo sous Charles de Gaulle. J'ai participé à des camps de vacances sous Georges Pompidou, organisés justement par l'association La Géorgienne. J'ai embrassé une fille pour la première fois sous Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, je n'ai jamais rencontré personnellement le président accordéoniste. J'ai été papa pour la première et la dernière fois sous le règne de François Mitterrand. Après, il s'est passé des trucs quand même, voyons. J'ai eu une panoplie de Thierry Lafronde sous Charles de Gaulle. J'ai imité Zizi Jeanmaire dans Mon truc en plume sous Georges Pompidou. Non, ne me demandez pas, il n'existe aucune photo de cet événement. Je suis monté pour la première fois sur scène, mais sous Valéry Giscard d'Estaing. J'ai eu mes premiers cachets d'artiste sous François Mitterrand. Si, j'ai acheté une table de ping-pong sous Jacques Chirac. Réfléchissons. J'ai appris à lire et à écrire sous Charles de Gaulle. Je suis allé à mon premier concert sous Georges Pompidou. Je suis parti en vacances avec des copains sous Canadienne et sous Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, sous sa présidence. Je suis passé pour la première fois à la télé sous François Mitterrand. Je suis devenu chanteur de variété sous Jacques Chirac. Je suis devenu chroniqueur de la matinale sur France Inter sous Nicolas Sarkozy. J'ai fait mon premier bilan de santé cardiaque sous François Hollande. J'ai fait le test de dépistage du cancer colorectal sous François Hollande. Voilà, plus on avance en âge, plus on craint que les nouvelles expériences soient moins nombreuses ou moins marrantes ou plus tragiques. Eh bien, depuis 2 mois, sous la présidence d'Emmanuel Macron, je connais de nouveaux apprentissages. Pour la première fois, sous Emmanuel Macron, j'ai acquis une liseuse. J'ai fait de la radio en restant chez moi. J'ai participé à une chorale tout seul avec plein de monde. Je me suis abonné à Netflix. Je suis allé chaque jour à pied chercher le pain et les journaux. J'ai mis un masque, je me suis lavé les mains 20 fois par jour, j'ai annulé des spectacles, des rendez-vous, abandonné des projets. Les présidents passent et la vie continue d'apporter son lot de surprises. « Attends-toi à l'inattendu », disait Edgar Morin dans Le Monde de la semaine dernière. « La vie, c'est ce qui arrive quand on a prévu autre chose », avait dit John Lennon. François Morel, et je vous imagine imitant Zizi Jeanmaire dans Mon truc en plume, mon cher François. Merci. Ça fait quelques années que je ne l'ai plus fait. Merci beaucoup François, on vous retrouve évidemment vendredi prochain.